Uranus, une planète d'imprévus, une planète qui met du piquant dans la vie des gens par le fait de briser leur routine, briser tout ce qui est conventionnel dans l'être. C'est une planète qu'on juge agréable à vivre quand on a un goût de vivre des sensations fortes, quand on a un goût de sport extrême, mais c'est une planète qui dérange énormément quand on a un certain ordre établi, une routine établie, qu'on a prévu de prendre sa retraite à tel âge, quand on a prévu d'aller travailler à tel endroit, à telle période de l'année ou quoi que ce soit. Uranus, c'est une planète de surprise, mais si on sait prendre du bon côté ce caractère, je dirais, imprévisible, c'est une planète de génie parce qu'elle oblige à s'adapter. D'ailleurs, elle est là pour principale fonction d'obliger justement les gens à développer ce génie de l'adaptation. Évidemment, on parle d'une planète ici qui est associée au signe du Verseau et donc conséquemment qui trouve ses solutions au travers de la communication, au travers de systèmes d'information, au travers de l'invention, parce qu'il nous manque quelque chose qui est essentiel et qui n'est pas encore sur le marché ou qui n'est pas inventé ou qui demande d'aller ailleurs chercher, dans un monde étranger, d'aller chercher la solution, d'aller chercher dans des mentalités étrangères. Et on voit que dans l'effet d'Uranus, l'individu est obligé de faire du 200% tout le temps. Chose qu'il réussit à faire s'il ne résiste pas. Les gens qui souffrent le plus d'Uranus, ce sont ceux qui sont extrêmement conservateurs. Donc, conséquemment, les gens qui sont plutôt portés vers l'accumulation, donc les signes d'eau, les signes de terre. Les signes de feu et d'air souffrent moins d'Uranus parce qu'ils sont déjà naturellement proactifs. Tandis que les signes d'eau et les signes de terre sont des accumulateurs nés. Et ce sont des gens qui ont tendance à être extrêmement conservateurs, à chercher à se sécuriser d'avance pour anticiper ou voir le futur venir. L'effet d'Uranus brise toutes les conventions, donc brise tout ce qui peut donner une garantie à l'être dans le domaine du statut, dans le domaine de la conservation, dans le domaine de tout ce qui est prévisible. Une personne qui est sous l'influence aiguë du jeu d'Uranus est obligée de confronter l'improbable tout le temps. Des choses qu'elle ne pouvait même pas penser possible d'être obligée d'affronter avec l'effet d'Uranus, ben, ça se présente. Tu sais, des fois, on se dit, je ne peux pas penser que mon frère va me faire telle chose, je ne peux pas penser que mon père va me faire telle chose. Et boum, ça arrive. Pourquoi ça arrive? On ne sait pas, on ne comprend pas la logique des choses. On se dit, c'est pas normal, c'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Mais ça, c'est typique à Uranus. Quand Uranus passe dans un signe, là, présentement, il est au signe du poisson, ben, inévitablement, on parle de surprise dans toutes les gens marqués par ce signe, de surprise improbable. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles se passent. Quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui gagne le gros lot, quelqu'un. C'est pas toujours négatif en passant l'effet de surprise, ça peut être extrêmement positif. Mais ça oblige l'individu à, comme on dit, à retomber dans ses bottines, dans sa réalité très, très, très vite. Parce que pour bien vivre les jeux d'Uranus, il faut être capable, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'adapter rapidement. Vous gagnez la loterie, 1 million, vous avez un héritage d'un million, vous avez quoi que ce soit qui dépasse votre entendement, votre contenance habituelle, vous êtes sous l'influence d'une planète comme Uranus. Quelqu'un qui sait qu'il va hériter d'un million, qui sait ça 3 ans d'avance, il n'est pas pris par surprise. Il est pris dans un effet jupitérien. Mais l'effet d'Uranus, ça vous arrive tout d'un coup. Boum! Et ça a un effet positif, comme je l'ai dit, pour les gens qui le contiennent, le mouvement. Et ça a un effet extrêmement négatif pour les gens qui le contiennent. Et là, quand je parle d'extrêmement négatif, je parle d'une personne qui va se plaindre à l'infini. Ah, comment ça fait que ça a changé? On était donc bien avant. Et puis le bain avant, ben, il ne se reproduira plus parce que c'est fini le bain avant. Là, c'est la douche et non pas le bain. L'évolution d'un être, c'est une longue suite de réajustements. Quand on parle d'évolution, on parle inévitablement de mouvement. Uranus, c'est le summum du mouvement. C'est l'ultime vitesse. La recherche dans notre société de toujours aller plus loin, de toujours aller plus vite. Dans les ordinateurs, c'est flagrant. Dans l'automobile, comme les Formule 1, même les automobiles. C'est un principe uranien. L'évolution de l'automobile, de l'informatique, de la technologie, c'est sous l'égide d'Uranus. Et c'est sûr qu'une personne qui comprend non pas l'importance de la technologie dans le sens « bon, ben là, je suis satisfait à mon besoin », mais qui comprend l'importance de jamais s'arrêter à évoluer, il n'y a pas de problème avec Uranus. Il va suivre le courant. C'est comme si, moi, je dirais à une personne, écoute, change d'ordinateur tous les ans. Puis la personne, à un moment donné, elle dit, j'en ai assez, là, je réponds à mes besoins, je fais seulement du traitement de texte, j'ai pas besoin d'avoir un Pentium 250, puis papa. La personne, elle dit, ben, en répondant à mes besoins, ben, c'est suffisant. Mais le problème, c'est qu'en répondant strictement à ses besoins, à un certain moment donné, elle va être obligée de s'adapter à des nouveaux logiciels, des nouvelles choses. Je pense, exemple, à la reconnaissance vocale, qui demande des machines très performantes. Donc, qui demande de se laisser prendre par la surprise que peut représenter une nouvelle technologie. Les caméras numériques, y a-t-il quelque chose de plus uranien que ça? Caméra, tu sais, vous dites, je prends juste une photo. Et la caméra numérique, elle permet de le voir tout de suite. Elle permet de l'effacer, de repartir à d'autres choses, etc., etc. Là, on s'en va vers les vidéos qu'on peut créer chez soi. Présentement, j'enregistre avec une petite console, un micro et un logiciel. Ce mouvement de studio-là, ce travail de studio-là, ça coûtait une vraie fortune faire ça avant. Pour environ 500 $, je suis en train de vous parler avec ce qu'il demandait il y a à peu près 15 ans, 50 000 $. On voit donc que la technologie, si vous êtes capable de la consommer, si vous êtes capable de traiter avec le jeu inventif d'Uranus, ben, ça vous permet de suivre le courant, de toujours être en avant du mouvement plutôt que d'être traîné par le mouvement. C'est comme Uranus, ça oblige l'individu à s'étudier en fonction de son environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus, Neptune, ce sont tous des planètes de collectivité, de génération. Et chaque génération apporte son lot de génie. Chaque mouvement planétaire a une fonction. Uranus, c'est le génie. C'est l'engineering. C'est tout ce qui permet au cinéma de vous donner des effets spéciaux. C'est tout ce qui permet à des thèmes, des scénarios au cinéma, de toujours faire une recherche encore plus poussée dans le cerveau humain de qu'est-ce qui stimule l'être à vouloir aller encore plus loin dans la recherche d'une compréhension de l'univers, dans une recherche de la compréhension de ses humeurs, de ses états, de sa psychologie interne, de ses rapports télépathiques ou psychiques avec son environnement. C'est tout ça qui est sous l'égide d'Uranus. La télépathie, quand les gens vont découvrir ces différents mécanismes, quand les gens vont comprendre les jeux subtils de la pensée, c'est à travers Uranus que les gens vont comprendre ça. On parle de conscience supramentale pour certains. L'adaptation à pouvoir se faire habiter par des forces subtiles et de traiter d'une façon coordonnée dans notre vie matérielle, c'est uranien. Parce que être médium, strictement médium, en étant simplement un canal passif, c'est Neptune. Mais en étant un canal qui est totalement actif et qui est capable de contenir le mouvement d'une façon autoritaire, c'est uranien. Neptune, c'est passif. Vous allez voir une personne qui fait du channeling, là, qui fait de la canalisation astrale, il est sous l'effet de Neptune. Donc, il est passif. Il est simplement utilisé à. Tandis que l'élément uranien, c'est un élément électrique. Il y a un jeu de participation là-dedans. Vous remarquerez que les gens qui ont du charisme, c'est des gens qui sont électriques. C'est sous l'effet d'Uranus. Uranus, d'ailleurs, se rapporte à l'électricité. Se rapporte à tous les courants qui ont une très grande intensité sur la planète. La télévision est sous l'effet d'Uranus. Pourquoi? Parce que c'est un médium qui véhicule une image, qui véhicule, comme le cinéma aussi, qui est sous l'effet d'Uranus, qui véhicule des instants de vie. On peut voir une vie de quelqu'un en dedans de 2 heures à l'écran. C'est très compressé, ça. C'est de la, C'est la synthèse de vie à l'ultime degré. Bon, ça, c'est l'effet d'Uranus. Les modes qui partent et qui se défont après avoir été profondément consommés, c'est sous l'effet d'Uranus. Les modes qui durent très, très, très longtemps sont plutôt de type neptunienne, mais Uranus, lui, installe quelque chose qui, comme on dit, qui rentre, qui sort, et puis qui a fait son effet d'une façon très homéopathique, d'une façon très intense. Des fois, comme on dit, c'est pas compris intellectuellement, mais c'est saisi dans son essence, dans sa vibration. Bien, Uranus, exemple, quand on dit à quelqu'un « j'ai eu un coup de foudre », on n'est pas capable de se l'expliquer, mais on sait très bien ce que ça a fait sur nos corps électriquement. Et puis cette compréhension sans comprendre, c'est un effet d'Uranus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre intellectuellement, c'est Mercure, Jupiter dans sa synthèse, mais ceux qui ont une propension à comprendre vibratoirement, c'est l'effet d'Uranus. L'intuition se raccorderait plus à Neptune. Neptune étant quelque chose de plus mystique dans un sens, plus ascétique. Tandis qu'Uranus, lui, c'est réellement c'est un mouvement réflexe dans la vie. C'est quelque chose qui ne se passe pas souvent, qui ne se répète jamais de la même façon, mais qui s'actualise par une instantanéité. C'est vraiment une perception réflexe des choses. Un imprévu, c'est ce qui déjoue l'intellect humain. Ça ne veut pas dire que c'est imprévu. Vous pouvez prévoir des mouvements uraniens. Ce que vous ne pouvez pas prévoir, c'est la forme que ça va prendre. Mais vous pouvez prévoir l'ambiance, l'univers dans lequel vous allez être plongé quand Uranus va passer sur votre carte de telle ou telle façon. Vous pouvez prévoir que vous allez être plus électrique, que vous allez être exposé à des événements plus intenses, que vous allez être plus intense. Même en dormant, même en rêvant, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus intense. Et ça, c'est lié en grande partie avec l'espèce d'énergie de vitesse que représente Uranus. C'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont une propension à la vitesse, donc à l'adaptation rapide, ils ont un net avantage à vibrer les transits planétaires d'Uranus, même souvent dans leur carte du ciel, ils ont cet effet d'Uranus-là. On prend exemple les pilotes de course. Les pilotes de course, Formule 1, Stock Car, aviateur, n'importe quoi qui touche la très haute vitesse, ont besoin d'Uranus dans leur carte qui soit bien inspecté ou bien positionné. Les gens qui ont à intervenir sur la psychologie des gens, on dit souvent que l'astrologie est sous le signe d'Uranus. Ben, il y a un effet de surprise dans le phénomène de l'avenir. Une personne qui se prétend astrologue, en général, a une opinion forte et affirmative sur ce que va devenir une personne dans un temps futur à partir de sa carte du ciel. Toutes les gens qui touchent le domaine de la prévision d'une façon logique, le tarot étant plutôt neptunien, l'astrologie étant plutôt uranien. Dans le tarot, vous avez une intuition qui est très aléatoire parce que les 22 arcanes ne donnent pas finalement une exactitude selon, évidemment, l'interprète. Il va y avoir différentes façons d'interpréter les cartes. Tandis qu'une carte du ciel, il y a moins de marge de manœuvre pour 10 astrologues de dire des choses différentes. Ils ont des grosses chances de le dire dans le même jeu d'éphémérides, donc dans la même période de temps, et aussi avec une précision qui relève du fait des planètes, soit dans leur quadrature, leurs aspects, le transit, ou ces choses-là. Fait qu'on voit qu'il y a une exactitude de l'avenir qui est fondée sur une capacité d'anticiper une intensité, une électricité, une ligne de conduite, un changement de mentalité. Et un bon interprète de ces différentes fonctions-là, même s'il n'est pas astrologue, qu'il est dans un autre secteur, va toujours avoir à maîtriser une vitesse quelconque, un temps quelconque, une rythmique quelconque. Et c'est ça l'effet d'Uranus. Une personne qui est un bon, on va dire, médium du futur, c'est une personne qui interprète bien des courants de pensée, des courants de comportement, qui est capable de faire des analogies très, très rapidement entre telle chose et telle chose, qui est capable de prendre de l'abstraction et y trouver un code dans le concret. Tu sais, dire à quelqu'un, exemple, si tu as une crevaison sur ton auto, c'est parce que tu commences à manquer de tolérance sur le plan psychologique. C'est pas commun, c'est surprenant. C'est de faire un rapport avec une dimension psychologique dans quelque chose qui t'appartient concrètement comme une auto. Et puis de faire voir à la personne qu'il y a un lien intime entre ton véhicule et ta psychologie. Ça, c'est uranien. Ça relève tout d'une dynamique. uranien. Donc, ce que je veux faire comprendre sur cette planète-là, indépendamment du signe qu'elle habite, qui va lui donner ni plus ni moins sa coloration, c'est que c'est une planète qui se vit bien si on s'adapte beaucoup. C'est une planète qui représente le cauchemar et l'horreur quand on est conservateur. Dans un premier temps, j'aimerais expliquer ce que peut représenter l'interprétation des planètes dans un thème natal. On parle des maisons comme étant ce qui crée ou définit la nature des événements. Et les planètes, c'est comment on vibre les événements. C'est comment un individu, dans sa programmation, est appelé à subir ou s'attaquer, ni plus ni moins, à la rythmique de sa vie, et non pas de la vie du monde en général, mais de sa vie, et la façon dont les planètes sont disposées, qui vont configurer des aspects planétaires bénéfiques ou souvent qualifiés de maléfiques dans d'autres cas, qui sont ni plus ni moins des aspects de résistance ou de facilité, ben, ça va permettre à un individu de comprendre un peu pourquoi la vie, dans un temps, lui apparaît facile et dans un temps, lui apparaît plus difficile. On pourrait faire une interprétation d'une carte du ciel strictement avec les planètes. Beaucoup d'astrologues se posent la question des fois, c'est quoi l'heure de naissance? Est-ce que j'ai une heure de naissance précise? Est-ce que les gens m'ont donné un bon matériel à interpréter psychologiquement? Et ça, ça dépend évidemment beaucoup, beaucoup de ce qu'on donne comme importance aux maisons. Parce que les maisons sont définies par l'heure de naissance. Tandis que les planètes, eux, sont définies principalement par la date de naissance. Très important de voir la nuance. C'est pour ça que je vous dis, tout le monde connaît sa date de naissance, donc tout le monde peut connaître les 10 planètes qui configurent sa programmation. Certaines personnes n'ont pas leurs heures de naissance, donc ont beaucoup de difficultés à connaître la pointe des maisons où elles se placent dans leur cap du ciel. Et c'est là que ça devient important de comprendre la différence entre les maisons et les planètes. Les maisons ayant pour principale fonction, comme je l'ai mentionné, de donner une sorte de définition de l'ordre du destin dans les événements publics et collectifs. Alors que, carrément, les planètes, eux, vont donner plutôt qu'est-ce que l'être a à vivre. En d'autres termes, la fatalité de l'existence, elle est liée aux planètes, elle n'est pas liée aux maisons. C'est pour ça que je vous dis souvent, une interprétation peut se faire strictement avec les positions planétaires. Il m'est arrivé souvent, moi, avec des gens qui n'avaient pas d'heure de naissance, juste avec la date de naissance, pouvoir arriver à créer une interprétation très cohérente. On ne pouvait pas savoir quand et dans quel contexte les événements se présentaient, mais on pouvait savoir l'intensité de l'événement, l'intensité de ce que la personne aurait à vivre comme soit avantage ou désavantage dans sa programmation. Et il était plus facile à ce moment-là de comprendre que l'intégration qu'un être a besoin, s'il se défait de l'importance qu'il accorde aux maisons, qui sont finalement l'ambiance événementielle dans laquelle ça se passe, il va pouvoir mettre plus de focus, plus de concentration sur qu'est-ce qu'il vibre, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à un milieu donné. Je pense, exemple, à une personne qui aurait Vénus en Capricorne. Bon, Vénus en Capricorne, ça donne tout le secteur affectif de la séduction, tout le secteur de comment l'individu est accepté par son milieu dans son mode de présentation esthétique, formel. Et en Capricorne, en général, c'est long, c'est prudent, ça demande une certaine capitalisation de l'échange. Bon, si c'est dans la maison 3, on va savoir que c'est au travers de la parole. Si c'est dans la maison 10, on va savoir que c'est dans le milieu de la carrière. Si c'est dans la maison 9, c'est au travers de voyages, d'études. C'est le contexte dans lequel se passe la chose. Mais est-ce que c'est si important de savoir dans quelle ambiance que ça se passe, ou est-ce que c'est important de savoir que la personne est extrêmement prudente dans son approche de séduction, dans l'évaluation de son sex-appeal. Moi, personnellement, je suis de l'école où il est plus important de comprendre l'essence même, donc qu'est-ce que la planète fait vibrer et comment elle le fait vibrer, plutôt que de mettre de l'importance sur l'ambiance dans laquelle ça se passe. Évidemment, il y a des gens qui vont, par perfectionniste, dire qu'il faut les deux. Ça va de soi, je comprends ça. Mais il reste que, handicapé par une mauvaise heure de naissance, c'est toujours possible d'avoir une interprétation très exacte du comment la personne vit sa destinée et non pas dans quel contexte elle vit sa destinée. Et ça, en ayant une bonne lecture des planètes, une bonne interprétation des planètes et des aspects qu'elle fait avec d'autres planètes et les transits qui passent même sur les planètes, vous pouvez arriver à avoir une excellente compréhension du pourquoi et du comment une personne vibre et ressent les choses de telle ou telle façon. Donc, dans un sens, ce que je vous commande, c'est de mettre un accent, disons, très particulier sur les planètes, parce que ce sont définitivement les planètes qui donnent, je dirais, le vrai tempo, la vraie perception de l'astrologie ou d'une carte du ciel. Et on comprend assez facilement qu'une personne qui dit qu'elle est liée à une fatalité, elle est liée non pas à la programmation d'un autre, mais elle est liée à une façon dont elle vibre ses états, ses humeurs, ses sentiments, ses passions, ses différentes formes de résistance personnelle. C'est comment elle les vibre avec son armature planétaire. Et que ça, si on parle de chimie entre deux êtres, on va toujours parler de chimie karmique, qui sont des combinaisons planétaires qui sont favorables avec une autre personne. Et les incompatibilités que vous avez avec d'autres personnes sont liées à des planètes qui ont des effets, je dirais, discordants une par rapport à l'autre, en fonction de la carte du ciel de l'autre personne. Vous pouvez dire, bon, ben, les poissons s'entendent bien avec les cancers, mais poissons et cancers, c'est deux soleils. Mais ça ne définit pas où est-ce qu'est la Lune. Ça ne définit pas où est-ce qu'est Vénus, où est-ce qu'est Mars, deux planètes qui touchent la sexualité. Ça ne définit pas où est-ce qu'est Jupiter, où la personne doit vivre ce qu'on appelle sa synthèse de vie, c'est-à-dire sa façon d'intégrer ses expériences, donc son éducation, sa culture personnelle. C'est tous des éléments qui, dans une carte du ciel, quand les gens prennent vraiment le temps de faire une étude en profondeur, c'est des éléments que les gens sont capables de saisir plus précisément dans des rapports humains, dans des relations entre deux personnes, entre des personnes qui ont à travailler ensemble, des personnes qui ont à vivre ensemble. Ça peut même aller jusqu'à une meilleure interprétation de ce qu'une mère avec ses enfants ou un père avec ses enfants peut avoir à vivre avec ses enfants. Quel genre de stress que l'enfant va vous faire vivre dans votre vie? Qu'est-ce que l'enfant va transporter dans son existence comme armature planétaire qui va être quelque chose que vous allez avoir de la difficulté à intégrer? Parce qu'en passant, un enfant traîne toujours quelques aspects et des dimensions planétaires de ses parents. Et c'est là qu'on voit l'influence de la famille, on voit l'influence du code génétique, si vous aimez mieux, d'un point de vue astrologique, comment ça se transporte du parent vers l'enfant. Donc, c'est important de comprendre que les planètes, c'est un peu comme, finalement, l'ADN astrologique de l'être, et que ça permet, finalement, de savoir qu'est-ce qu'on a comme, on pourrait dire, comme chaîne karmique à liquider ou à neutraliser au cours de sa vie. Parce que, aussi fatale que puisse être l'organisation des planètes, elle est fatale dans le sens qu'on est obligé de passer par l'état et l'événement, mais elle se neutralise par une bonne intégration du jeu de polarité dans lequel on est et qui, à un certain moment donné, on peut s'en délivrer, ni plus ni moins, en étant capable de comprendre pourquoi l'événement se répète régulièrement au cours de sa vie et que si on réussit à être extrêmement cérébral, extrêmement mental vis-à-vis de cette dynamique événementielle, on peut altérer le caractère, je dirais, bas en vibration, c'est-à-dire le caractère animal ou instinctif de l'événement, pour l'amener à un côté plus subtil, plus psychique, qui permet de voir ou de vivre les choses d'une façon plus dégagée. Donc, dans le parcours que je vais vous faire vivre sur les planètes, prenez toujours en compte que chaque position planétaire a une très vive importance dans votre programmation, et que même si les planètes lourdes, on parle ici de Pluton, Neptune, et Uranus, qui sont des planètes qui prennent beaucoup de temps à transiter dans un signe, qui sont des, on appelle ça des planètes de génération, donc d'une influence d'un courant de pensée collectif sur votre personne, sur votre personnalité. Considérez tout le temps que même si ça a un jeu collectif, ça a un impact sur votre individualité qui peut être extrêmement intense et qui, dans certaines circonstances, lorsque c'est positionné dans des maisons clés, sont des expressions de votre importance dans votre génération pour influer sur votre environnement. Ce qu'il faut comprendre à ça, évidemment, c'est que plus les planètes ont une importance sur votre programmation, je parle d'exemple des planètes comme le Soleil, Vénus ou Mars, qui sont des planètes qui sont très personnelles. Quand elles sont en aspect planétaire, quadrature, trigone, opposition, conjonction, quand elles sont en aspect avec des planètes lourdes, bien, c'est évident qu'il n'y a pas strictement votre intimité qui est mise en relief. Il y a également votre vie publique, votre vie dans l'impact que vous avez sur votre milieu social, qui a également beaucoup d'impact. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à la télévision, vous allez passer dans les médias. Ça peut être possible également, mais ça veut dire que votre environnement va avoir à vivre et à vibrer beaucoup l'impact de votre personne, autre que sur strictement votre vie intime, votre vie personnelle. Donc, c'est important de comprendre que la dynamique des planètes, c'est vraiment ce que vous êtes pour les autres. C'est vraiment ce que vous avez à dépasser pour vous-même. C'est vraiment votre monnaie d'échange avec votre environnement. Et c'est carrément la raison pourquoi vous êtes sur la planète. La lecture, on parle souvent d'intérêt vital, de fonction, de rôle à jouer dans notre société. Bien, c'est au travers de ces planètes-là qu'on le sait. Les maisons vont simplement donner le contexte dans lequel ça se passe. Et c'est pour ça que, dans un sens, on doit accorder une importance très grande à toutes les planètes, pas simplement le Soleil, parce que quand on fait de l'astrologie de salon, on dit tout le temps, bon, ben, je suis Cancer, je suis Lion, je suis Sagittaire, puis ça, on parle strictement de la position du Soleil. Mais il y a 9 autres planètes qui ont beaucoup, beaucoup d'importance. Quand quelqu'un, exemple, est dans le monde de la mode, sa position vénusienne a énormément d'impact, énormément d'importance. Quand on est dans un domaine scientifique, un domaine d'invention, Uranus a beaucoup, beaucoup d'importance, au moins autant que le Soleil à ce moment-là. Donc, c'est sûr que dépendant du secteur dans lequel on se projette avec force, il va y avoir une planète qui va avoir plus d'autorité qu'un autre. Et c'est pour ça que je vous dis, toutes les planètes, les 10 planètes ont beaucoup d'importance. Je sais que, bon, dans les journaux, on ne donne pas autant d'importance à toutes les planètes, mais c'est pour ça qu'on n'est pas pris au sérieux non plus quand on fait de l'astrologie dans ces milieux-là, parce que les gens généralisent. Mais si je me réfère à des années 70 où tout le monde ne connaissait pas le signe et que dans les années 2000, tout le monde connaît le signe, il y a eu une évolution en 30 ans que j'imagine que peut-être dans 30 ans, on va avoir à interpréter ses vies d'une façon plus subtile, plus détaillée, en connaissant sa carte du ciel à fond ou en détail. J'ose espérer, je serai mort dans ce temps-là, mais en tout cas, ça donnera la possibilité de faire comprendre aux gens qu'il est possible non pas d'enrayer le destin, mais de le comprendre mieux et de le vivre mieux. On parle de Pluton, on parle de crise, on parle de réforme. On parle inévitablement dans la vie d'une personne de ce qui bouleversera sa vie dans le but de lui faire connaître des changements irréversibles. Pluton, c'est relié à l'enfer dans la mythologie et c'est lié aussi à l'invisibilité, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas venir. En effet, quand on regarde le mouvement de Pluton dans une carte du ciel, dans le sens de transit planétaire, on se rend compte que c'est la planète qui prend le plus de temps à faire le tour d'un signe. Vous n'aurez jamais, dans toute votre expérience de vie, plus que 4 ou 5 mouvements de Pluton, c'est-à-dire 4 signes qui seront visités par Pluton au cours de votre vie. Quand je dis 4, ça considère le fait que vous avez une vie assez âgé. Bon, vous allez dire, bon, ben, si c'est une planète qui traverse les signes lentement, est-ce que ça veut dire que l'individu souffre tout le temps ou la personne est exposée au bombardement plutonien pendant une durée de 10 à 15 ou 20 ans? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une planète de génération, puis c'est une planète qui influence votre génération et qui fait aussi que certaines générations peuvent être en conflit avec une autre. On pense à une génération où Pluton est en quadrature. Exemple, la génération des Plutons en Scorpion qui sont en quadrature avec les Plutons en Lion, ben, ça crée énormément de bouleversements dans la façon de faire, dans la façon d'être de deux générations. Il est évident qu'un individu qui veut comprendre les mouvements plutoniens doit essentiellement comprendre l'influence de sa génération sur sa personne. Il doit également comprendre si Pluton est interactif avec une planète comme le Soleil, Mercure, ou des planètes qui sont plus personnelles, les sept premières planètes, de Soleil à Saturne. Il faut qu'il comprenne qu'il a à interagir avec une génération, il a à subir les effluves de sa génération, et il a à se défaire de la mécanique collective, de la mécanique idéologique de cette génération sur sa personne, et ce, à travers une crise, parce qu'il ne faut pas oublier que Neptune et Uranus ont également une influence de génération, et que les trois planètes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, se partagent des effets différents de la génération sur l'individu. On comprend que Pluton, c'est une planète de réforme et de crise. Vous allez me dire, oui, mais j'en veux pas de crise. Le point n'est pas de savoir ce que votre ego veut vivre, mais plutôt qu'est-ce que le mouvement ou le courant d'une évolution attire, ni plus ni moins, dans votre cours, dans votre vie, pour faire vibrer des transformations. Et on comprend également que si une personne est exposée à une tension de génération, elle est exposée à une mutation de sa part par rapport à une influence extérieure profonde. Et quand on parle de mutation, ben, on en vient à un certain moment donné comme à une individualisation. On n'est pas loin d'affirmer que l'effet de Pluton, c'est l'examen de votre identité. Que les gens qui sont affectés en effet plutonien dans leur carte du ciel personnel sont affectés par des tests très réguliers au cours de leur vie du rapport entre leur individualité et les rapports avec la collectivité. Si on s'en tient strictement à l'effet plutonien, on dirait qu'il y a une magnétisation très profonde par le fait de Pluton qui pousse les gens à se laisser aspirer dans les modes, à se laisser aspirer dans la collectivité. Et que tout travail d'individualisation vise à faire l'effet contraire, c'est-à-dire à renverser les influences plutoniennes dans leur cap et, entre guillemets, les mettre sous le contrôle. Quand je dis les mettre sous le contrôle, c'est de ne pas en être affecté personnellement par le fait d'une identité très forte qui leur permet d'individualiser leur comportement par rapport à une collectivité. Il faut avoir beaucoup d'identité pour être très individuel. Et faites bien attention si vous parlez d'individualité et que vous n'avez pas d'identité. Si vous dites que vous êtes individuel et que vous n'avez pas d'identité, c'est que vous êtes simplement original et marginal. Mais un être marginal et original n'est pas nécessairement capable d'exprimer de l'identité. Il peut exprimer des comportements qui sont réactionnaires à un mouvement collectif, mais qui n'a pas nécessairement, par rapport à cette collectivité-là, une capacité de se mettre en parallèle ou en effet, disons, on va dire positif par rapport à cette collectivité, c'est-à-dire être actif. C'est bien beau de contester quelque chose au niveau politique, mais il faut être capable aussi de remplacer la valeur qu'on conteste par un autre système de valeurs, par une autre idéologie, par quelque chose qu'on va être capable d'inventer. Et c'est là que Pluton apporte l'effet de l'inventeur. Pas comme Uranus, parce qu'Uranus, c'est carrément du génie, mais Pluton, c'est le génie dans la crise. C'est comment reconstruire quelque chose qu'on veut détruire, ou quelque chose qu'on a détruit, ou quelque chose qui se détruit. Vous allez regarder des fois des générations, puis on va dire, ah, la musique a détruit cette génération-là. Oui, mais dans ce qui a été détruit, il y a aussi quelque chose qui a été créé. Ça peut être un nouveau son, ça peut être une nouvelle façon de dire les choses. On pense exemple au rap. On n'est pas pour évaluer si le rap c'est de la belle musique, mais on peut dire que c'est une nouvelle façon de transmettre un message. Ce qui a quand même autant de valeur que de la musique dite classique, que si elle n'est pas écoutée par certaines personnes, ne transmet finalement pas aucun message. Donc, il faut comprendre que l'évolution de Pluton, ce n'est pas une évolution qui est facile, ce n'est pas une évolution qui donne dans la gratuité, parce qu'il y a toujours comme une crise qui sous-tend un effort pour s'en sortir. Il y a toujours une survie quand Pluton se met dans le portrait. C'est le maître du scorpion, et on sait que le scorpion, sa vie, c'est une vie où il doit maîtriser le drame, l'extrême polarisation du mental. Et dans Pluton, bien évidemment, s'il y a exagération dans une polarité à vivre, c'est définitivement au travers des jeux de Pluton que l'extrême va avoir à connaître toutes les possibilités. Tout ce qui peut se penser comme étant possiblement extrême sera vécu au travers du jeu de Pluton. Donc, c'est le bien et le mal, mais c'est surtout le mal avant et le bien après dans sa reconstruction. Très important de comprendre que le bien ne viendra pas en premier avec Pluton. Et que le génie va apparaître avec la volonté et la force de gens qui auront de l'identité pour neutraliser le mal plutonien et arriver à en tirer un avantage. Ce que j'appelle, moi, l'intelligence du mal. Quand on réussit à le comprendre, là, à ce moment-là, il est possible de dire qu'on a le génie du bien pour reconstruire, réhabiliter une situation dite infernale. Et ce qui est infernal, c'est la confusion que ça crée. C'est l'impression d'avoir toutes les bases qui avaient été reconnues comme étant remises en question et souvent dissoutes dans sa crédibilité. Parce que la force principale de Pluton, c'est de discréditer quelque chose qu'on a admis et acquis au travers des années. Vous remarquerez que quand une personne est affectée par les mouvements plutoniens, c'est sa carrière qui est remise en question. C'est ses constructions de vie qui sont remises en question. C'est sa réputation qui est remise en question. Ça, c'est facile à voir si vous avez juste à regarder, disons, les mouvements de Pluton. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, je peux peut-être les nommer. Quand Pluton est passé au cancer, c'est toutes les valeurs familiales qui ont été bouleversées. Vous prenez tous les gens de la génération des années 20 et vous allez voir que l'effet de Pluton en cancer a carrément fait éclater le noyau familial, éclater les valeurs dites religieuses, les statuts, les tabous, ces choses-là. Et cet éclatement a obligé ces gens-là à reconsidérer les valeurs qu'ils accordaient à la famille. Et quand Pluton passait au lion, c'est toute la remise en question de la valeur de l'autorité et de ce que les gens qui avaient de l'autorité, je pense aux professionnels, les médecines, les avocats, ces choses-là, ce sont les gens qui ont Pluton en lion qui ont carrément fait éclater l'espèce de fétichisme, ni plus ni moins, qu'il y avait pour ces êtres qui représentaient une extrême autorité. Vous allez à la Vierge, ben, c'est le quotidien, c'est tout ce qui touche les conditions émotionnelles face au quotidien. Là, on a vu beaucoup de divorces où les gens étaient tannés d'avoir des tâches qu'on appelait subalternes à l'époque. C'était les femmes qui disaient qu'ils voulaient être plus payées ou payées pour les fonctions qu'ils avaient à la maison. C'est que on ne voulait pas donner une valeur à des tâches qui étaient essentielles. Et dans l'effet de Pluton en Vierge, bien, il y a des gens qui ont commencé à mettre en relief le fait que des tâches dites subalternes avaient une autorité. On a vu des grèves d'éboueurs, des gens qui ramassent les poubelles, commencer à faire voir un impact majeur de cette tâche qui était considérée bas de classe, ni plus ni moins, faire voir à quel point ça avait de l'importance. Quand on a eu Pluton en balance, bien, c'est toute l'explosion des structures, des relations de couple, puis de l'importance qu'on donnait au mariage, puis au couple. C'est là qu'on a commencé à compter qu'il y avait un mariage sur trois qui sautait, puis à un moment donné, c'était un mariage sur deux, et etc., etc. Ça, c'est l'effet de Pluton en balance. Et puis, vous avez après ça, bon, le Sagittaire qui a été dans le portrait aussi. Là, Pluton qu'on vit présentement, Sagittaire, c'est l'éclatement des frontières, l'internationalisation. Fait qu'on est, si on peut dire, dans les effets de Pluton, dans des crises d'identité qui sont en fonction des systèmes de valeurs qu'on a tendance à promouvoir pendant des années et qui, à un certain moment donné, change complètement de ligne. Et quand on parle d'éclatement des frontières, ben, on parle inévitablement d'un mélange des cultures. Ça ne peut pas faire autrement. Ça oblige les gens à apprendre plusieurs langues, ça oblige les gens à avoir une vision plus ouverte face à des gens qui ne pensent pas comme eux autres. Et puis, pour faire des affaires avec ces gens-là, ben, s'il faut faire affaire avec des Chinois ou avec des Japonais, ou se mêler un petit peu à leur culture, parce qu'eux autres s'attendent à ça. Ils veulent pas se mêler à notre culture strictement one side. Ils veulent le faire dans les deux sens, dans les deux côtés. Et ça, c'est tous des éléments qui viennent de l'effet plutonien. C'est des bouleversements profonds qui peuvent être bénéfiques, mais c'est le bouleversement en premier. C'est le coup qui arrive et le changement qui vient après. Puis un changement qui souvent est obligé de se faire. Les gens, exemple, qui vivent des grandes maladies sont des gens souvent qui sont affectés par des mouvements plutoniens pour changer de façon de penser, changer de façon de faire les choses, pour changer leur mentalité. Donc, les ondes plutoniennes, ce n'est pas des ondes agréables à vivre, mais c'est des ondes qui ont beaucoup d'importance quand il est question de réformer un être. Et c'est ce qu'il faut retenir le plus de Pluton, c'est que aussi négatif puisse apparaître la planète, à cause de toute la souffrance qu'elle impose, ça reste quand même le suprême examen de votre identité. Ça reste, je dirais, la mesure de votre goût de vivre sur la planète. C'est pour ça que je dis souvent, les gens qui veulent connaître l'heure de leur mort, ben je dis, écoutez, regardez les aspects négatifs. Je parle Saturne en conjonction avec Pluton, Saturne en quadrature ou en opposition avec Pluton, et vous allez avoir une bonne idée des conséquences sur votre être de la mort. Quand Saturne en transit, ou Pluton en transit sur votre Saturne natal, mais c'est un effet Saturne-Pluton, là, apparaît, il y a décès. Vous pouvez mourir 10 fois dans une vie, parce qu'il y a eu 10 passages plutoniens ou saturniens sur Pluton. Pluton sur Saturne, ou Saturne sur Pluton, en transit, pour ceux qui jouent un peu avec l'astrologie, ils comprennent ce que je veux dire. Bien, quand vous avez ce passage planétaire, il y a mort. Et l'être, à ce moment-là, est obligé de changer de mentalité. Quand est-ce qu'on meurt? C'est quand on n'est plus capable de changer. Vous n'êtes plus capable de changer? C'est sûr que vous allez mourir. Physiquement, j'entends. Mais si le corps est capable de suivre une flexibilité de la tête, que quand passe Saturne et Pluton, vous êtes capable de ne pas vous fixer dans une mentalité, vous pouvez passer à travers. Donc, il faut de l'identité pour traverser une crise. Et cette identité-là, c'est Pluton qui atteste. Quand on parle de Neptune, on s'adresse au monde de la mode, au monde de l'impression. Et quand je dis mode, je parle de mentalité, de façon de penser, de courant social qui stimule un rêve. Exemple, si on parle du rêve américain, c'est neptunien. Si on parle de réaliser un rêve, c'est neptunien. Si on parle de goûter à des impressions qui nous sont perçu comme inaccessible, inatteignable, on parle toujours de Neptune. Évidemment, Neptune a pour principale fonction de stimuler, motiver les gens à se dépasser dans une certaine mystique qu'ils se font de la vie. J'applique sur le mot mystique, mais pas dans le sens religieux. Le mystique dans le sens de cette sensation d'inaccessible, de cette sensation d'inatteignable. Les gens qui sont marqués par des effets puissants de Neptune cherchent en eux une divinité, cherchent en eux de l'héroïsme. La fascination dans le cinéma du monde du héros vient de l'application de Neptune. Autant les effets spéciaux, l'originalité des scénarios a une caractéristique uranienne, autant les films de meurtre, de policiers, de tout ce qui s'appelle drame et crise sont plutoniens, autant ce qui fait rêver à la Walt Disney est neptunien. Il y a une recherche constante de l'héroïsme, de l'aspect mystique du dépassement, de l'ascèse du héros qui réussit à partir de grandes souffrances à dépasser ce qui l'attache à la forme, et toute cette espèce de romance qui se crée dans le cinéma, dans les vies des gens, pour dépasser leurs limites personnelles, a une caractéristique neptunienne. En d'autres termes, avec Neptune dans votre carte du ciel, ce que vous pouvez lire, c'est comment vous allez transmuter la souffrance. C'est comment vous allez réussir à passer aux autres, à votre environnement, l'idée que vous êtes un être spécial. Et quand je dis spécial, c'est vraiment quelque chose que eux ne seront pas capables d'être comme vous. Tout le monde dit « Ah, je veux un auto original ». Tout le monde s'achète un Chevrolet et tout le monde rêve d'une Mercedes, de quelque chose qui va être spécial. Et quand on parle évidemment de spécial, on parle toujours de qu'est-ce que le voisin n'aura pas que vous allez avoir. Le voisin de l'autre rue peut l'avoir, mais pas votre voisin d'à côté de chez vous, parce que vous voulez que ce soit spécial. L'effet de Neptune, c'est de faire sentir qu'on est des demi-dieux dans la matière, qu'on est capable, dans le sexe, de dire « je suis meilleur que celui que tu as rencontré quand tu étais jeune ». La dynamique que l'on met dans l'effet neptunien a un effet de recherche d'hypnose du milieu. Au même titre qu'on peut être soi-même hypnotisé. Vous allez voir un spectacle et vous avez encore la mâchoire décrochée quand vous sortez. C'est parce que le performeur, le groupe d'artistes, a réussi à vous faire vivre un voyage neptunien incroyable. Vous allez en voyage, vous en reparlez encore 10 ans plus tard, c'est l'effet de Neptune. Tout ce qui touche au monde de l'impression, qui crée un effet quelconque de fascination, qui crée en vous un courant de pensée qui va marquer soit votre génération, on veut Elvis Presley, c'est un exemple, ça a marqué une génération de baby-boomers et le mythe continue encore. On a les jeunes qui vont avoir d'autres mythes et qui vont dans 20 ans, 30 ans, 40 ans aller voir des vieux croutons jouer de la guitare sur une scène et on va avoir créé un mythe. Il y a des objets, une Porsche, des guitares Fender, des guitares Gibson. Il y a des choses qui marquent, qui ont une réputation et qui ont une marque. C'est l'effet de Neptune. Le marketing, la mise en marché. Exemple, vous avez Lexus Infiniti du côté japonais qui essaie de se rapprocher des noms comme Porsche, Ferrari, Mercedes. Bien, ça, c'est la recherche de cette marque, de cette mystique. C'est l'effet de Neptune qui leur apportera éventuellement dans le temps. C'est sûr que pour créer cette réputation, cette image de soi qui va peut-être faire des centaines d'années futures, il faut comme créer une marque profonde dans l'inconscient d'une personne, dans l'inconscient d'un groupe de personnes. Et plus le groupe de personnes est marqué par un événement que vous allez avoir vécu et proposé avec une idéologie quelconque, plus votre nom va rester longtemps. On pense au Nazaréen, le Christ qu'on appelle. Il a créé une marque qui en a fait une religion. Il y a des gens, des scientifiques qui ont créé une marque sans faire de religion, ils ont marqué une époque. On pense à Einstein. Et il y a des politiciens qui, à cause d'exemples comme la guerre qu'on a connue en 39-45, je pense à Churchill entre autres, qui avec sa façon d'être, sa façon de penser, a créé une mystique. C'est sûr que l'individu qui a engendré un impact sur son environnement à travers l'effet neptunien doit être capable de contenir une idéologie. On le voit à travers la politique, on le voit à travers les arts, on le voit même à travers les sports. Je pense à Michael Jordan pour le basketball. Je pense à des joueurs de hockey qu'on connaît ici assez bien au Québec, qui sont des joueurs émérites. Mario Lemieux, exemple. Et on voit que ces gens-là réussissent à installer une mystique où les gens vont étudier leur style. Quand les gens commencent à étudier à travers votre ligne de conduite, à travers votre ligne de pensée, quand on cherche à vous copier, quand on cherche à vous imiter, c'est parce que vous contenez une idéologie, vous contenez une mentalité que les gens à cause de l'effet neptunien, ont tendance à vouloir comme s'imprégner, se baigner dedans. C'est important de comprendre que Neptune, c'est une idéologie qui part de l'impression et non pas une idéologie qui crée de l'impression. C'est une impression et une idée se greffe à. Et quand on voit le mouvement d'une idéologie prendre la forme d'une religion, les gens qui sont impressionnés au point d'en perdre de vue leur identité, on dira que ces gens-là font partie d'une secte. On dira de ces gens qu'ils sont magnétisés, hypnotisés par le maître, par la ligne de pensée, la ligne de conduite qui a été véhiculée par cette idéologie-là. Vous pouvez être dans une secte à travers un parti politique, si le parti politique a des connotations spirituelles. Et on sait que à travers le monde, il y a des partis politiques qui sont fortement influencés par les religions. Et c'est là que naît le fanatisme. Le fanatisme, c'est neptunien. On a définitivement un regard acheté sur notre vie, sur ce qui nous fait vivre des croyances, quand on est magnétisé au point de perdre de vue notre réalité. Et ça, ces mouvements-là, c'est neptunien. Le Neptune se colle à la drogue, se colle à tout ce qui vous fait perdre le contrôle sur votre centre décisionnel. Mais c'est aussi la planète qui est à l'origine de toutes vos grandes inspirations. Tout ce qui suggère que vous vous dépassez, comme je l'ai expliqué dans le héros ou dans la mystique, ça vient de Neptune. Mais il y a le côté négatif qui implique que si l'individu n'a pas de volonté, n'a pas de contenance, n'a pas d'autorité, il est complètement aspiré par une ligne de pensée. Et ça peut faire des gens qui sont des fans d'artistes, de sportifs, qui peuvent se perdre de vue, qui perdent de vue leur réalité, qui perdent de vue le contrôle de leur responsabilité dans leur vie à cause du fait de cette fascination-là. Un homme peut être très bien fasciné par son automobile, et c'est totalement neptunien. Un gars qui frotte son auto 5 fois par semaine, c'est soit qu'il a une volonté d'user la peinture puis de la tester, ou c'est parce qu'il a un problème de fétichisme assez marqué par rapport à son véhicule. Ça, c'est un effet neptunien. Donc, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas le contrôle dans sa vie de ce qui le magnétise, ce qui l'impressionne, risque d'être complètement subjugué par cette impression. Il y a bien des façons de se droguer. Un excès de travail, work alcoholic, comme on dit souvent, c'est un effet neptunien. Il y a une recherche de dépassement qui cherche à transcender l'importance qu'on donne à quelque chose. Quand on aime un autre plus que soi-même, on est sous les effets de Neptune. Les drames passionnels, les gens qui sont au point de vouloir tuer l'autre parce que l'autre ne va pas dans son sens, c'est un effet neptunien. Dès que vous êtes hypnotisé par un personnage, dès que vous êtes hypnotisé par une ligne de pensée, une ligne de conduite, vous êtes sous des effets de Neptune. Là, vous allez me dire, oui, mais comment on peut avoir le contrôle là-dessus? Bien, le contrôle, c'est pas compliqué. Si vous êtes capable d'assurer un certain ordre social, que vous ne perdez pas de vue justement vos responsabilités, que vous êtes encore ouvert d'esprit à l'opposition, il n'y a pas de problème. Parce qu'un neptunien ne supporte pas l'opposition. Tandis qu'un individu qui a un contrôle sur les jeux de Neptune dans sa carte, c'est une personne qui est capable de composer avec l'adversité et l'opposition. Il est capable de regarder qu'on n'a pas les mêmes croyances et qu'on peut s'entendre pareil. C'est sûr que cet effet de Neptune-là colle aussi à tout ce qu'on appelle les lavages de cerveau. C'est une planète qui fait qu'un individu peut s'auto-laver le cerveau en se créant une ligne de pensée qui devient fanatique par l'excès qu'elle porte là-dedans. Et ça peut être une personne qui est drainée par un environnement à la recherche d'un gourou. Comment vous mettre à l'abri des gourous? Bien, c'est de toujours protéger votre centre décisionnel. Une personne ne doit jamais, malgré son autorité, sa précision et sa force de caractère, ne doit jamais englober votre processus décisionnel, même s'il vous apparaît imparfait. Même s'il vous apparaît pour vous imparfait, il ne faut pas qu'une personne subjugue, hypnotise votre centre décisionnel. Et ça, je l'applique autant pour les gens qui vivent en couple. Une personne dans un couple ne doit jamais essayer de prendre le contrôle du centre décisionnel de son partenaire. Jamais. Sinon, vous êtes sous des mouvements, comme j'ai dit, neptuniens, et ça devient comme la recherche d'avoir un support à la vie et à la mort d'une personne qui, le fait de vivre avec vous, vous donne l'impression qu'elle vous appartient, alors qu'elle ne vous appartient pas. Elle collabore à votre recherche psychique, à votre recherche mystique d'un développement X, mais elle ne vous appartient pas. Le fanatisme commence dans la croyance et aboutit dans ses débordements, dans l'appartenance. Appartenir à un groupe, de quelque forme que ce soit, ce n'est pas intelligent, c'est contre l'individualité. La croyance doit être une reconnaissance. Si vous voulez vous protéger des effets neptuniens négatifs, il vous faut passer de la croyance à la reconnaissance. Constater un fait, ça ne veut pas dire y croire. Et les gens ont beaucoup de problèmes avec la croyance parce qu'ils trouvent plus facile de croire que de reconnaître. Il y a un effort dans la reconnaissance. Il y a une masse critique dans la reconnaissance qu'il n'y a pas dans la croyance. C'est la paresse mentale des gens qui les amène à croire. C'est une impossibilité de traiter avec l'opposition qui emmène les gens à croire. Quand vous êtes sur les effets de Neptune, n'oubliez pas, c'est lié à la drogue, aux alcools, c'est lié à la fascination. Mais quand vous êtes dans une opposition, vous êtes obligé de traiter avec un choc externe qui vous oblige à remettre en question. Et c'est une délivrance de passer de la croyance à la reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est l'expression de votre volonté sur une croyance, sur un fait établi qui vous permet de voir où vous vous êtes rendu dans un processus de développement, un processus de croissance, une idéologie qui a certainement sa valeur, mais qui a aussi un rythme à être intégré. Les gens qui vivent un rejet face à des idéologies sont des gens qui sont sains d'esprit dans la mesure où ils ne sont pas négatifs par rapport au rejet qu'ils ont. Rejeter une chose, ça ne veut pas dire la dénigrer. Si vous dénigrez, c'est que vous êtes pris encore dans votre problème de fascination et vous allez simplement laisser un domaine qui vous fascine pour aller en chercher un autre. Et le plus dangereux de toutes les fascinations, c'est l'impression d'avoir raison. Neptune, son côté le plus insidieux dans une démarche psychique et psychologique, c'est de tomber dans une raison personnelle où les autres ne doivent jamais vous contester. Quand vous êtes pris avec ça, vous êtes pris avec les effets les plus pervers de Neptune, qui est une espèce d'autosuffisance très égoïque et réflexive, dans laquelle cette réflexion n'a pas de fait et se justifie sans arrêt pour ne pas justement être opposé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, y compris les événements.